Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community, radio communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul. Radio sans frontières, le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. Si vous avez des questions, appelez-nous pendant que la musique se joue au 612-341-0980. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. Feel free to call the studio line with any requests or questions while the music's playing at 612-341-0980. We have an exciting evening of music and events to tell you about. My name is Dana. I know Carol and Olaf should be here shortly, but first let's have some announcements and get right into the music. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. Du souvenir, mon premier rendez-vous. Désir charmant et soudain désir fou, tout tourne autour de nous. Depuis, j'ai voyagé là-haut, souvent dans de beaux nuages, changeant d'amour comme l'oiseau change de paysage. Mais rien n'a pu changer au jardin de mon cœur. Mon seul amour y dort vivante et nue comme une belle fleur. Je vous écris de loin d'un pays merveilleux où les choses vous parlent quand on ferme les yeux. La chambre que j'habite est chambre de voleur, car j'abrite le temps, la vie, les heures. Jardin du mois de mai, vous êtes là ce soir. Jardin fleuri, où nos cœurs vont s'aimer, dans l'ombre ardente du ciel noir. Des bras qui vont s'ouvrir, je les caresse encore. Comme autrefois, ta bouche est près de moi, je sens vibrer ton corps. Je sais, j'ai voyagé là-haut, souvent dans de beaux nuages, changeant d'amour comme l'oiseau change de paysage. Mais rien n'a pu changer au jardin de mon cœur. Mon seul amour y dort vivante et nue comme une belle fleur. Voici le... J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places. J'aime dans les rues où je passe. J'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener. Par les rues qui se profilent, à travers toute la ville, j'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent, tout en draguant les filles. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, en juin aussi d'ailleurs, avec ses bouquinistes et tous ses aquarellistes, que le printemps a ramené comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas Lyon ou Marseille. La Seine qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. Bonsoir. Bonsoir, Donna. Comment bonsoir. Allez-vous? Hein? Bonsoir, Olaf. Bonsoir, mesdames. Eh ben, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai bien déjeuné aujourd'hui, hein? Ah oui. Qu'est-ce que nous avons mangé? Where did we eat today? Oh mon Dieu, c'était bien. Alors, déjà oublié. Oh, c'est mon moment. Ah, non, non, c'était une quiche. Toi, c'était une quiche. Une quiche avec une petite salade à côté. Oui, et Dana avait la croque-madame et moi j'avais croque-monsieur, comme il faut, quoi. Et comme dessert, des crêpes avec des fruits de saison. Oui, très bien. Sensationnel. Et moi, un gâteau glacé. Citron, je crois. So we just had lunch today at a nice little French restaurant, Le Town Talk, on Lake Street. East Lake. Mm-hmm. To verify. What was that? 2200, I think. 2707. East Lake. Précisément. Very precise. And we are hoping that next week we might be lucky enough to have Emily, the owner from Marseille on our show. So looking forward to that. And oh, then we have to find music from Marseille. And yes. Perhaps she can bring some in as well, her choices. Yes. So is there several groups, the Massilia sound system? This was the year from Marseille, too. C'était Marseille l'année, quoi, il y a un prix ou quelque chose cette année. Enfin, c'est Marseille était la vedette de l'année. I forgot to back announce the last songs that we heard. Vas-y. We had two Charles. We started out with Charles Trenet with Jardin du Mois de Mai, and that's on Platinum Charles Trenet, followed by Charles Aznavour from Platinum Charles Aznavour, J'aime Paris au Mois de Mai. So we're going to continue with our spring. Exactly. So we had Charles Trenet, and then Aznavour, J'aime, I love, oh no, this is in English, supposedly, I love Paris in the spring, but I mean, I think, that's fine, but Paris, I mean, anytime. C'est toujours, mais les marronniers sont en fleurs au mois de mai. Chestnut trees are blooming. Comme des énormes chandelles. And it's des funny. Des bougies, je veux dire. How are these translated in English? Lily of the Valley. Oh. On a laissé ça. Somebody left me. Aznavour was talking about les muguets in this song, and here someone had left a cup full of Lily of the Valley in the radio station, so they smell so good. And it's a tradition in France to give your mother les muguets or to make a little bundle of this Lily of the Valley and give them as a gift. Et aux amis et à la personne qu'on aime. Tout le monde reçoit du muguet. Et le mieux que tu peux aller les chercher, les recueillir toi-même. On a le droit. Yeah, you have on the 1st of May, you can go and actually pick them in this forest and sell them if you want to. But you have the right. Where otherwise you never get into the state forest to pick anything. So. All right, let's go ahead and play a song then. Just after an announcement, we'll have Serge Gainsbourg with Le Pinceur. Wait, how is it pronounced? Le Poinçonneur des Lilas. Mais il faut expliquer, c'est la Porte des Lilas. C'est un arrêt de métro, mais enfin, puisqu'il y a les lilas en fleurs, pourquoi pas? And Le Poinçonneur. Un peu de some de Lida after that. We'll be right back with some music. Programming on KFAI is supported in part by Allina Health's Life Course Project, working to reshape care to focus on what matters most to people in the last stages of life. Information is online at lifecoursemn.org. Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous.

we had, first of all, we had Serge Gainsbourg in Le Poinçonneur des Lilas. So, and this is not the poinceur, is someone who punches holes into something. He's not punching holes into lilacs, but it's the Porte de Lilas, one of the end stations of the Paris metro. And what the poinçonneur had to do is to actually punch holes in the tickets that the users, the commuters, had, so that they couldn't use it over again. And that's now, of course, past, but the guy got pretty frustrated with this job, as you can imagine. He was talking about going home to bed, laying in a bed of confetti. Confetti. From the holes. And nowadays, it's all mechanical. I mean, and he punches holes in first-class tickets and second-class tickets. They, at those days, still had first and second class in the metro. So first class, was that in the front of the train? I don't remember. I think so. Second car, maybe. Okay. Anywhere, but that's... And if you had a second class ticket and were caught in the first class, I mean, you were very quickly ushered out of it. So, but in the the Heure de Pointe, during the... Rush hours. It actually, first class was relatively empty. I mean, you could find a seat there. Oh. And the second one was Dalida in Le Temps des Fleurs, the time of the flowers. But actually, what it means is she's looking back at her, well, childhood, not exactly, but she's looking back at when things were still rosy, so to speak. Mm-hmm. The English version was, I think it was Mary Hopkins. I don't see plus. Those were the days, my friend. Those were the days, yeah. Mm-hmm. I was telling Olaf and Carol that I had my mother's 45 collection, and I would listen to that song, and I was only 4 years old, and I'd cry my eyes out nostalgic about something that I didn't know what it was. And now I still am nostalgic. Alors, encore Dalida? Yeah, what is the next Alors, song c'est that we have? Dalida qui va vous chanter quelques larmes de pluie, parce que le printemps, ça apporte la pluie aussi. Et Jacques Brel va chanter Il peut pleuvoir. Oh là là, il peut pleuvoir. Pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos dans son halo de nuages. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos, moi je crie bon voyage. Pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Aux flaques d'eau qui brillent sous les jambes des filles, aux néons étincelants qui lancent dans la vie leurs postillons de pluie, je crie en rigolant. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, jour et nuit tourner en rond. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, moi je crie à plein poumon. Il y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards, et j'en suis riche, j'ai mamie auprès de moi. Il y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards, et j'en suis riche car mamie c'est toi, c'est toi. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Okay, well, we had another song by Dalida, Quelques larmes de pluie, a few, well, tears is not the right expression. I mean, a few little drops. Splashes of... Teardrops. Yeah, teardrops. A few drops of rain. And then Jacques Brel, Il peut pleuvoir. It may rain. And his is much more energetic, but he doesn't care because he has his... Me, à côté de lui, that's his beloved, is right next to him. He doesn't care if it rains on the boulevards, etc., etc. So it's these are two very nice songs, different styles. And we have to say the following thing. I have people who have told me that the, these little weather instructions that you get or the news you get on your iPhone, they are extremely accurate. Oh. Yeah, and so from what I see now, we passed these songs about the rape, but we don't have to worry about them because for the next 2 days, there's sunshine, there may be some clouds, but there's no rain in the forecast. But the other days when it was really, they were forecasting the rain, and that was very exact. All right, so... What are we going to hear next? Alors, ça va être Arletty qui va vous chanter Dessous de Violette. Une ancienne chanson parce qu'il n'y a plus de sous, mais ça reste dans la langue quelquefois. Les violettes sont partout maintenant parce que c'est leur saison. La suivante, c'est Lucienne de Lille. Toutes les deux des chanteuses du passé. Elle va vous chanter le monsieur au lilas. Alors, le suivant, il n'est pas à faire avec le printemps. Tu veux le jouer quand même? Peut-être. Oui. Pauline Esther, Le monde est fou. Va. Violette, pour deux ronds, ça sent bon. Ça vous monte pas la tête, c'est bien honnête. Oh, l'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette, dessous de violette. Y en a qui se paient des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs que j'ai toujours aimées sont celles qu'on achète dessous. Dessous de violette, pour deux ronds, ça sent bon. Ça vous monte pas la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette, dessous de violette. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette dessous de violette. Décoré d'une fleur se promène près de la Seine, court la reine. Le vieux monsieur ne dit rien, mais du bout de sa canne, il enflamme Notre-Dame. Ce vieux monsieur, on l'appelle le printemps de Paname. Bichonné, pomponné, parfumé, du lilas plein les bras. Dans sa promenade, le Luxembourg vers les nord. Dans son programme, deux mots d'amour, je t'aime. Un petit pas, le bonhomme s'en va, en jetant ses lilas à tout le monde. Et grâce à lui, l'amoureux du samedi a fleuri son amour ébloui. Un vieux monsieur décoré d'une fleur se promène près de la Seine, court la reine. Le vieux monsieur ne dit rien, mais du bout de sa canne, il enflamme Notre-Dame. Ce vieux monsieur, on l'appelle le printemps de Paname. Bichonné, pomponné, parfumé, il sourit à la vie. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a de beaux jours à Paris. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a de beaux jours à Paris. La bébé à doudou est tombée dans la boue, et ça l'a rendue folle, elle lui donne du coup. Coup de bâton, coup de balai, coup de bambou, c'est continu comme ça, lui cassera le cou. Mais malgré tout, le doudou est amoureux de la bébé. Bébé si douce avec doudou, entre deux coups de balai. Le barbatoubé arrive et t'a d'observer. Il a eu beau crier, non, rien n'a changé. Fatigué de rester dans les coulisses, il s'est engagé dans la police. Et aujourd'hui, le baba est amoureux de sa patrie. C'était bien ce qu'il voulait. Dans le petit écran, quelle surprise en voyant qu'un militaire s'envoyait tout cru mon sandwich au gruyère. Car voyez-vous, notre pays est amoureux de ses bébés. Il envoie des caisses entières de balles et volaires. Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous. Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous. Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous. Il suffit d'être amoureux de la vie. Si vous le dites avec des fleurs, évitez les soucis. Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous. Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous. Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous. Le monde est fou, fou, fou, did we just hear? Was that Le monde est fou, Pauline Esther. Le monde est fou. World is crazy. Well, oui. Yeah, but this was a request by one of our listeners, Mademoiselle Beaurand. And so with Le monde est fou, fou, fou, fou. So this very nice, well, I mean, it's the world is crazy. Well, we know that, right? Anyway, so we experienced that. And did we say anything about Lucien de Lisle on no. Le Monsieur avec le Lilas? That's more or less of the gentleman with lilacs, and it's actually more of a symbolism or metaphor. I mean, here this guy walks around Paris with a walking stick, and that walking stick is more like a magic wand. Because he directs it towards Notre Dame, and boom, there's blooming flowers around there along the Seine. So, and that's what they if it ends by saying, this is the way that spring arrives in Paris. And Arletty, before that, Dessous de Violet, Violette, is one. This is a 30th artist, Arletty, and it's Dessous de Violet, two bits for violets. And, well, she thinks how nice they smell. And actually, she also thinks that they're taking little, you know, sacks, little bags of, and put it between the newly pressed sheets and things like this. And oh, right, so as a fragrance. Yeah, so they, yep. Good idea. Oh, yeah. If you can find the violet. Oh, why not lilacs, too? There's such a short window of opportunity. They have all kind of stuff that goes in between the... In the linens? In the linen, yes. Mm. When you're pressing them or put them in your drawers when you're putting away your laundry? In the linen closet. I mean, yes. Oh, that sounds great. Ou bien entre les livres, les pages d'un livre. How do you call wax paper in French if you were to put it in a book? Papier ciré. Mm-hmm. Yeah, for flower preservation. Oui. I love that. I think in America we do leaves much more often. We don't think about preserving flowers and dried flowers. But the leaves don't smell that nice. No. Right. All right, let's have an announcement and we'll go back to some music. AFAIA's Cher Dial and Doug the Thug talking with Danami on Live from Studio 5. What message do you want your fans to get from your music? Love. Just want to change people's lives through this power of influence that we have. What's going on, Radio Land? KFAI is Danami. Community. And we are coming from live to you from Studio 5 at KFAI. Check it out. We're glad you're here. Stay connected on the air and at kfai.org. Alors, où est-ce qu'on va? Quelle chanson? Well, I was looking for songs about the month of May, and I wanted to play some music that perhaps was a little outside the spectrum. So I came across Star Shooter, and they were actually one of the more popular French punk bands, but they were more of a joyous punk rock sound, less nihilistic and socially concerned. So they were formed in Lyon around Kent, who's on guitars, vocals, Jello on guitars, and Mickey Smack on bass, and Phil Pressing on drums. Their first single was called Pin Up Blonde, and that was in like 1977. So the songs that we'll be hearing from them are Mois de Mai and Papillon de Nuit. So Papillon de Nuit makes me, the moths make me think about how we should put some mothballs in our linen closets and everything right now for summer, right? Before those larvae come. So anti-meat. Anti-meat, c'est ça. Mm-hmm. Okay, so Star Shooter, here we go. Sans soleil, jour-là, sans soleil. Ils voulaient juste que je l'emmène. On m'a tout fait derrière la scène. Du manège, du manège. Je n'avais pas de place. J'étais dans la poisse en ce temps-là. Ce temps-là. Je promis un futur de meilleur augure pour plus tard. Hey, hey, plus tard. C'était le Waterman. We'll be right back. All right. This was Star Shooter, a punk group, so to speak, punk, but they weren't that punk. No, they were more like French emo. Yeah. I felt like it was a 1980s John Hughes movie, but the French version. And the first one was Mois de Mai, in which they sing, this is the month of May, and then all kind of things happen. Among other things, I think I understood they were cleaning out the garage or something like this, which you do in the Mois de Mai, unless you go on picking Muguet. And the second one, same group, but curious, perhaps? Yeah, well, curious, but still very easy to understand, very good French. And the papillon de nuit, that's actually a moth, but sometimes papillon de nuit may also characterize someone who can stay up and party all night long or go from one bar to the other. Mm-hmm. And papillon de nuit, it was very well sung, and then they mix in a little bit of English in both of them. Yeah. And then at the end with that Morse code, it would be interesting to try to figure out what that was. Yeah, we should have tried to, as if anyone knows how to decode Morse code. I mean, that would be interesting to see what they have to say there. You could call the studio line at 612-341-0980 while the music is playing, and if you were able or have any comments about the music you've heard on Bonjour Minnesota, or perhaps a request, call the studio line, 612-341-0980. We're going to hear a sentimental song about Alsace next. Oui, c'est Lynn Renaud, Printemps d'Alsace. C'est une chanteuse surtout des boîtes, je crois. Elle est toujours en vie. On voit de temps en temps ses photos. Et ça va être suivi par Aznavour. Hein? OK. Et Aznavour chante « Au printemps, tu reviendras ». Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain tu te maries, mon amie. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs faites de paillettes, de diamants. Le diadème d'oranger porte bonheur est entre les mains de ta maman. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa sera demain, après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. La lumière de la lampe fume et chante. Dès qu'il la vit, il fut séduit par ses grands yeux et ses 20 ans. Un beau soir en Alsace, au printemps, il s'approcha, elle lui sourit, il l'invita, elle lui dit oui. Un beau soir en Alsace, au printemps, c'est ainsi qu'en valsant, on bâtit un roman. Le jeune homme amoureux en bâtit plutôt deux. gentille, elle l'écouta, mais ne répondit pas, de peur que son amour ne dure pas plus d'un jour. Elle l'attendit toute l'année avant d'être sa fiancée. Un beau soir en Alsace au printemps. Mais quand il sut qu'elle acceptait, ils échangèrent un long baiser. Un beau soir en Alsace au printemps. C'est ainsi que l'amour bâtit son nid un jour au temps des lilas blancs en Alsace au printemps. Les deux cœurs amoureux furent longtemps heureux pendant toute une vie sans jamais qu'ils oublient que leur amour très tendrement commence à un soir en valsant. Maintenant qu'ils ont des cheveux blancs, ils se souviennent en souriant du grand bonheur de leurs 20 ans, d'un beau soir en Alsace au printemps. Un beau soir. We had a bonus song in there from Lynn Renault. And as Carol was mentioning, Lynn Renault is a great cabaret singer. I think she had, does she not have a cabaret in Deauville? Oh, I didn't know that, think. Did she? Yeah. And we heard Tire l'aiguille, like pull the needle. And we were saying that sounded very like Hebrew type of song. Israeli or Hebrew, type. Huh? And then after that, we had Printemps d'Alsace. So, yes, and in both cases, it had dealt with a mother who was kind of wishing well to their daughter. The daughter was going to get married and pulled the needle, or had to do with she also talks about the trousseau. Mm-hmm. Which is like a sewing basket? No, for getting ready for marriage. Like a hope chest. Hope chest, exactly. Sew her trousseau. Yeah. All right. We have to, it's the hour. Yes. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul. Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. If you hear something you like or you'd like to make a comment, please call us when the music is playing at the studio line, 612-341-0980. And we have one last chanson. Oui, c'est Charles Aznavour. Au printemps, tu reviendras. Le soleil a déserté notre village et la neige est venue recouvrir nos toits. Toi, tu es parti poursuivre un vagabond volage. Mon amour, au printemps, tu reviendras. Tu avais déjà cousu ta robe blanche. Jour et nuit, filait l'aiguille entre tes doigts. Elle attend ton corps comme j'attends mon jour de chance. Mon amour, au

applicable to Father's Day. Fête des Pères et la Fête des Mères. Je pense que la Fête des Mères en France, Mother's Day, is more around May 29th, isn't it? Like the c'est end différent, of the je sais. Yeah. C'est pas le même jour qu'ici. Well, I'm going to send actually a teacup to my... I have like a care package I have to send to my ex-mother-in-law. Oh. Some little things. So I want to make an announcement. We do have... The Étoile du Nord French Immersion School on Saturday night is having its annual fundraiser to raise money for its PTO and that the parental teacher organization. And that's from 7 to 11 p.m. at the U of M St. Paul Student Center in the North Star Room, May 16th, Saturday night. So if you're interested in getting a ticket, you could go to lnfi-pto.org. In order to attend that event this Saturday night, in order to, and so let's have a little more music and we'll be back after these announcements. KFAI is Cher Dial and Doug the Thug talking with Danami on Live from Studio 5. What message do you want your fans to get from your music? Love. Just want to change people's lives through this power of influence that we have. What's going on, Radio Land? KFEI is community. And we are coming from live to you from Studio 5 at KFEI. Check it out. We're glad you're here. Stay connected on the air and at KFEI.org. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Où les fleurs volent au vent, si jolies mignonnes. Où les fleurs volent au vent, si mignonnement. Le fils du roi s'en va les ramassant. Le fils du roi s'en va les ramassant. S'en va les ramassant, si jolies mignonnes. S'en va les ramassant si mignonnement. Il en ramassa tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramassa tant qu'il en remplit ses gants. Qu'il en remplit ses gants si jolie mignonne. Qu'il en remplit ses gants si mignonnement. Il les porte à Samy pour lui faire un présent. Il les porte à Samy pour lui faire un présent. Pour lui faire un présent si jolie mignonne. Pour lui faire un présent si mignonnement. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici mes gants. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici mes gants. Tenez, voici mes gants, si jolie mignonne. Tenez, voici mes gants, si mignonnement. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Que quatre fois par an, si jolie mignonne. Que quatre fois par an, si mignonnement. À Pâques à la Toussaint, à Noël à Saint-Jean. À Pâques à la Toussaint, à Noël à Saint-Jean. À Noël à Saint-Jean, si jolie mignonne. À Noël à Saint-Jean, si mignonnement. Well, that was Christiane Laure. Correct? Plus singing, Voici le mois de mai. Here is now the month of May. And it's on the tune, or it's more or less, it's a folk song, right? It is a folk song. But, mm-hmm. I mean, she had a couple of other, it seemed like a very nicely presented folk song about what you do. You get your white gloves on, and then you go te promener dans le mois de mai. See? Very nice. From what I found out about that singer, Christiane Laure, she plays a lot of concerts on the West Coast, mostly like in Napa and Sonoma wine region. So we have finished with our spring music, and we have a couple of songs coming up. Who do we have tonight? We had a couple of announcements, too, before the main announcements. Oh, right. Yeah. All right. Well, I can... One announcement that's actually pretty important is that Virgil Benoit, who is professor of French at the University of North Dakota, he is actually going to talk about history, memory, and forgetting. Minnesota's Métis and French Canadians. So he will be talking about, the French, the Canadians, the Métis, who came from, the Métis were indigenous, and then, but they, how they formed in St. Paul, and then went over to the Red River Valley. So it's a very interesting talk. It's going to be on May 19th at 7 p.m., and that's at the Rice Street Library. You can contact the organizer, Elian Hopkin, 651-222-3242. And we actually had Virgil Benoit for an interview here a long time ago. Yes, at the interesting person. Very, and he is very knowledgeable about, especially the Métis, and so maybe we can snare him to give an indication of what he talked about at some other time, because this is next week at. We hope it will be Emily from. Le Temps Talk Diner. And de toute façon, he is speaking at 7 o'clock, and it's a Tuesday, so that's not the best time for us. No, not for him. We won't have him for that. But Virgil Benoit is, he lives in Red Lake Falls and is professor at the University of North Dakota. So, a very interesting person. My announcement is about the opening of a new branch of the French Immersion Toddler and Preschool Education, which is coming to Edina. It plans to open a second location for toddler and preschool French immersion programs in Edina for the 2015-2016 year. If you want details, they're having an open house at the French Academy of Minnesota. It's a meet and greet. May 20th of this year, it's free and open to the public. You do need to register first, however. It's at 9400 Cedar Lake Road, St. Louis Park, 55426. Session 1 is 9 a.m. to 10 a.m. Session 2 is 10:30 in the morning until 11:30. And that, again, is on May 20th of this year. You know, if you get children at a very young age, they can speak it without accent. It's true. And my daughter, though she had gone to French immersion for many years, she was reluctant to speak French with me, only sometimes when she wanted to have a secret language. And the other day, she just decided that all we were going to listen to was Stromae. And so we've been listening to Stromae nonstop in the car. Oh. And she told me today that we need to download some songs because she needs to use something. So I said, you can use your iTunes account and purchase those songs. Go ahead, you know. Mm. So we have French lovers. And the gala took place for the Alliance Française over the weekend. Bring that up. Last Thursday, rather. Well, Dana, how did things go? Dana was the MC. Yes, we raised over almost $48,000, I believe. I heard it was a huge success. People were dancing on stage, so it was a great success. And you? I was dancing on stage. We were dancing to Claude François. And our other MC, Romain Lorenz, he was acting as Claude François, and we were the Claudettes. And the exciting part of the most exciting part of the evening was the wine expert Nicolas Giraud had put himself into the auction so that people could bid on a guided wine tour of Napa and Sonoma. Two couples guided by Nicolas Giraud, and that got it was really exciting. He was interviewed here on Bonjour Minnesota, And professionally, he is the head wine person at the Méritage restaurant in St. Paul. Méritage and one other. One in Minneapolis and one. Centre and Foreign Legion, I believe. Yeah, the Foreign Legion is. Bar Central? Or? Oh, that's right. Is that theirs? So. Well, that had wonderful gifts of all kinds on that. A round trip, nonstop business airfare for two. Oh, to Paris. Right. That was amazing. So it was a great evening. Any opportunity to get out and support French in our community is a good one. So that open house at the French Academy, that's on the 20th. And this Saturday night, there's the Alliance, or no, the French Immersion in St. Paul fundraiser at the U of M North Campus. Mm-hmm. So we have some songs by Jean Ferrat. Yes. Shall we jump into some music? Or well, let's do that. What do we have up next? What are these choices? Well, the next one, the first one is Jean Ferrat and Camarade and La Fête aux Copains. We go. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Qui marie cerise et grenade au sang fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire, quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade au sang fleur du mois de mai. C'est la fête aux copains, c'est la fête à Pantin, c'est la fête à Paname. C'est la fête aux lilas, la fête ici et là, c'est la fête à mon âme. Il y a du défilé, du bal dans les quartiers, des mouflets que l'on gronde. C'est la fête aux barbus, c'est la fête aux cocus, c'est la fête à tout le monde. 14, c'est fou ce que t'es triste quand sur un édifice t'es suivi de 18. 14, c'est fou ce que t'es gay quand au calendrier t'es suivi de juillet. C'est la fête aux copains, c'est la fête aux trottins qui suivent la musique. C'est la fête aux marins qui montrent dans un coin comme on danse en Afrique. C'est la fête à Taupin, le vieux républicain qui règle les sous-tasses. C'est la fête au tambour, c'est la fête à l'amour où tout le monde s'embrasse. Allez, allez, allez, viens. C'est la fête à Melon, c'est la fête aux lampions, c'est la fête aux étoiles. C'est la fête en plein air, il y a de la joie dans l'air et du vent dans les voiles. C'est la fête à la rue où tous les inconnus vont rallumer leurs flammes. C'est la fête où l'on rit en voyant que Paris sera toujours Paname. Allez, allez, allez, viens. C'est la fête à nous deux. Si tu me pousses un peu, je te dis je t'adore. Quand tu m'as répondu, ma parole t'a foutu mon cœur en tricolore. Et c'est ta fête à toi, et c'est ma fête à moi. C'est la fête aux bêtises. Dans une rue perdue, quand je te dis veux-tu, je vois tes yeux qui disent ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Eh ben, that was about the 14 juillet or what? The first one was Camarade, Comrade. And which he and this it kind of still a connection to the month of May because he mentions the month of May, and but basically, Jean Ferrat was a very politically engaged singer, and so the Camarade starts out about the nice things in May, and then it ends up with bullets flying and being in war. So he wants to make this contrast. And the same thing with, La Fête aux Copains is more of the celebration between friends is a homage to the month of June, July, and the July, and the national holiday, how people are dancing, how they at that time become friends in the streets. Ferrat is actually the big questions that we have is why didn't he get as much publicity or as much backing as Brel and Brassens and Ferré, who were all his friends. He had a very he never joined the Communist Party, but he had very leanings towards the party. But he was also critical, and eventually he simply quit. I mean, this adoration of the party when he found that the Soviet Russia was absolutely nothing that they were cranked up to be by the Communist Party. But then he was also very much in. A defender of women, he says. The future of humanity are women. L'avenir de l'homme et la femme. Yeah, c'est une chanson célèbre. So and he has, but maybe with this type of approach, he was not terribly much en vogue. Although France at the time was pretty much left-leaning. So among other things, he was, and this should interest listeners to KFAI, he became very much engaged in actually chastising the radio and record industry they were sending and playing all songs by established singers. Oh, and no nuance. And by, and by singers, and didn't give much credit or much attention to new upcoming singers. So he's very much involved in this, and obviously if you do that, I mean, you're not terribly loved by the media or by the big money. And so basically the reason why we come up with him is he died a couple of years ago, but his songs have been re-edited and beautiful songs he wrote. Yes, and also songs of poetry. I mean, Prévert, Prévert, and so Isabelle Aubray was in his companion towards the end of his life, and she has come out with a new album in which many of his songs are presented. Who sings the songs? Well, this is she sings she some of them, and others. And then there are others that sing that. Dionysos, Sanseverino, Tiefan, Zebda. So a lot of the young people are picking up on Marc Lavoine, etc. They are picking up on his music. So that's why we're bringing it. And then one of the albums is called Jean Ferrat et ses drôles d'amis. And that's his friends were Brassens, Ferrat, and Jean Ferrat, and Jacques Brel. So you'll hear some of the songs as we go on through this program. Mm-hmm. All right, after these announcements. KFAI is supported by the St. Paul Saints, celebrating 23 seasons of baseball, family entertainment, and outdoor summer fun. Sunday, June 21st is KFAI night at the Saints' new stadium in St. Paul's Lower Town. You're invited to join KFAI volunteers and staff at 4 for pregame festivities. Information is available online at saintsbaseball.com. The Saints and KFAI remind listeners that fun is good. Some announcements from the Alliance Française. Wednesday, tomorrow, from 6 to 8, Navigateur de la Littérature, Intermediate Level Book Club will meet, reading Charlotte by David Fuenquinos. On Thursday, the 14th, from 6 to 7:30, Apéro en Français at the University Club of St. Paul. That's where you can have a drink of your choice and speak French with members of the French-speaking community. Friday, on the 22nd at 7 p.m., is a Cine Club Euro Channel Short Films Tour. Coming up in June, then, there will be a Petit Déj on Saturday, the 6th of June. That's the first Saturday of the month, as they have it every month, for Petit Déjeuner from 11:30 to 12:30. And I'm happy they let us sleep in that day, 11:30. Mm-hmm. Or for children, the Alliance will host a dictée, evidently the same day, the 6th, from 11:30 to 12, and for adults, from 12 to 12:30. More details to come. Sign up for a class. There's all kinds of wonderful classes at the Alliance, all taught by native speakers. 5-week topics classes are on now, and review classes begin soon. There is a class, one for French for travelers, started May 13th, that's tomorrow, from 6 to 8. There is something called Écriture Créative, Creative Writing, Thursdays from the 14th through June 11th, 6 to 8 p.m. Beginner Semi-Intensive, starting May 11th through June 11th, and many review classes of all levels. There's upcoming workshops for idiomatic expressions, May 16th, starting up Saturday, 1 to 4, that's just a one time. Do you know what faire du lèche-vitrine? I think it's de la lèche-vitrine. You know what that means? Répète. Je vais faire de la lèche-vitrine. Go do the licking the windows? Exactly. Window shopping. Yeah. Window shopping, yes. Oh, window shopping. It's a great expression, as there are many. Make sure you don't, the instructor will not pousser un lapin. Oh, stand you up. Yeah. I know that one. And avoid that you speak French, comme une vache espagnole. Oh, like a Spanish cow. Oh, you don't want to speak French like a Spanish cow, no. There's also a May 30th, a short class on negation and article review from 1 to 4. For children and older teenagers, passport to French summer camps, passport to adventure. For all ages, you can go online and find out more about them. There's a new benefit for members of the Alliance Française, a reduction on stays in France with an organization called Elite Destination Homes. Hmm. That would be fine. I suppose people register their apartments and their elegant apartments, and you can contact Anna for the code if you are a member. Fantastic. Do you know the Alliance Française is going to Rochester, Minnesota? I heard that. It's great. They're going to have the Cine Club starting up in Rochester. They're going to show a film called Amitié Sincère Wednesday, May 20th at 6 p.m. in the Public Library at Rochester. Also, there's a kids' summer camp in Rochester for grades K through 2. On June 23rd and to the 25th, 2 days. And second to fifth grade, July 14th through the 16th. Oh, they're going to have a good time. Mm. Right on Bastille Day. There's a new date for the TEFIO testing date. And those are for measuring your level of an ability in French. They've had many requests, it said. So they added a new date, Tuesday, June 16th, for the TEFIO testing. On Wednesday, May 13th, oh, we just said that one. Oh, no, it's a different one. In Rochester Public Library, presenting the film Traitors by Sean Gulette as part of their film series set in Tangier. French, Arabic, and English. Save this date. August 7th, that's a long ways away, 6 p.m., the Minnesota Friends of the Biblioteca invite you to cocktails and dinner in honor of Dr. Ismael Serra Gelden, Director General of the Biblioteca Alexandrina, with special guest His Excellency Mohammed Tawfiq, Egyptian Ambassador to the United States. That's coming up in August. Where will that be taken? Where's the bibliothèque? At the Alliance Française, or what are they? Where is that taking no, place? No, I believe it's cocktails and dinner, it says. I don't know where. Huh. It is a paying event to offset costs. For more information about this event, click here so you can go on to the Alliance Française website and find out, or contact Aida Calafala or Dr. Patrick Plonsky. Oh, Stromae, your daughter must be thrilled. He's coming to town. She is. September 22nd, it's a Tuesday, at the Myth nightclub. Oh. Oh, it's on be a still, Tuesday. My beating heart, what yes. What am I going to do, Carol? Well, can I go to the concert? Night. Oh, well, we'll excuse you if you, maybe you can get his latest record there or something. Oh, that latest would be great. CD. Of course. Or maybe we could try to get some tickets to give away. We have to look into Fat chance. It was a sellout last time. I know. And if you are interested in buying a ticket to the Stromae concert at the Myth, they're on sale now. I would imagine you contact the Myth club. Or Ticketmaster. Or Ticketmaster, yes. Type of thing. There are many things offering jobs for different people and host families looking for them. I would suggest that you would check the Alliance Française at bonjour at AFMSP for that, for further information. Et voilà les annonces. Merci. We shall continue with some music before we have to leave. We have a couple songs left. Our next, we have the Le Lion. Le Lion, with and is that Jacques Brel? He who was this is the kind of the organization said that will pass Jean Ferrat and then a Jacques Brel or Brassens or Léo Ferré. And this time it's Jacques Brel and Le Lion. And Jean Ferrat with Potemkin. Ça fait cinq jours, ça fait cinq nuits qu'au-delà du fleuve qui bouillonne appelle, appelle la lionne. Ça fait cinq jours, ça fait cinq nuits qu'en deçà du fleuve qui bouillonne, répond le lion à la lionne. Vas-y pas, Gaston, même si elle te raconte que sa mère est gentille. Vas-y pas, Gaston, même si elle ose te dire qu'elle t'aime pour la vie. Vas-y pas, Gaston, même si elle te supplie de l'amener à la ville. Elle sera ta Manon, tu seras son Descarieux, vous serez deux imbéciles. Ça fait dix jours, ça fait dix nuits qu'au-delà du fleuve qui bouillonne appelle, appelle la lionne. Ça fait dix jours, ça fait dix nuits qu'en deçà du fleuve qui bouillonne répond le lion à la lionne. Vas-y pas, Gaston, arrête de remuer la queue, il faut qu'elle s'impatiente. Fais celui qui a le temps, celui qui est débordé, mets-la en liste d'attente. Vas-y pas, Gaston, un lion doit être vache, dis-lui que t'es en plein rush. Souviens-toi de Polo qui nous disait toujours « Too much, c'est too much ». Ça fait vingt jours, ça fait vingt nuits qu'au-delà du fleuve qui bouillonne appelle, appelle la lionne. Ça fait vingt jours, ça fait vingt nuits qu'en deçà du fleuve qui bouillonne répond le lion à la lionne. Vas-y pas, Gaston, même si elle te signale qu'il y en a un autre en vue. Un qui est jeune, qui est beau, qui danse comme un dieu, qui a de la tenue. Un qui a de la carinière, qui est très intelligent et qui va faire fortune. Un qui est généreux, un qui que quand elle veut lui offrira la lune. Ça fait une heure et vingt minutes qu'au-delà du fleuve qui bouillonne appelle, appelle la lionne. Ça fait une heure et vingt minutes que dans le fleuve qui bouillonne un lion est mort pour une lionne. Jacques. Jacques. Oui, oui. Jacques. C'est moi qu'on appelle? Jacques. Jacques. Oui, je suis là, oui. Jacques. Jacques. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine, Potemkin. Ils étaient des marins durs à la discipline. Ils étaient des marins ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin, au grand vent se furine, ils étaient des marins, sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkine. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leur carabine, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkine. So you heard one of Brel's, one of Ferrat's friends, Jacques Brel, singing about the Le Lion, the lion, and he sings about a lion and a Mr. Lion and Mrs. Lion, or lion and lioness. And but then at the end, well, he describes their story. But then at the end, all of a sudden, a woman's voice comes through. I mean, asking, "Where are you?" or Jacques Brel. Jacques. It's very, very interesting. So just a little insert there to show music of some of his friends. But then one of his most, of Ferrat's most well-known and important songs is Potemkin, which describes, which is the story of the revolt on the destroyer Potemkin in the in Odessa, near in the Black Sea Navy, a Russian Navy, and basically the sailors or the were treated so badly that finally they revolted, and this revolt was of course put down very brutally by the Tsarist government. And there's a film out by Eisenstein, which is also extremely, it's black and white, and mm-hmm. I forget whether it's not even sound. I believe it's silent. It's silent, yes, and he did some of the techniques were absolutely years ahead of movie mm-hmm. making at the time, and it's still is a classic. The statuesque characters and how large they were in relation to everything else. I had to, for film history, it's one of the base movies. No, exactly. You have to see. It's one. So this and again, this is one area that Ferrat was interested in. I mean, the social upheaval, the treatment of people who were dependent on or had to be almost slave labor. And so that is one of his most famous songs. And next we'll have Mamoum. Mamoum, huh? And after that, that's more Jean Ferrat. And you said he's good friends with Léo Ferré? So he will be singing La Folie. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. L'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ces commissions. De cet arbre inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie, je fais ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac. Quand le vertige la pénètre et la dépasse sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe, c'est à ce moment-là que je perds la folie. Et que je reste seul avec mes yeux de fou. Thank you. à l'ombre du cœur de mamie, à l'ombre du cœur de mamie. Un oiseau. Au revoir, Dana, et au revoir, Olaf, à la semaine prochaine. Au revoir, mesdames, et au revoir, auditeurs, auditrices et auditeurs. Un auditeurs, jour, la qu'elle oui, faisait semblant to Emily, the owner of Newtown Talk Diner, next week. And I wish you a great spring weekend. Et moi me mettant à genoux. Et moi me mettant à genoux. Thank you.